Un trou dans la cour. Un jour, Carlo voit un gros trou dans sa cour. Qui a fait ce gros trou? Dit-il. Le papa de Carlo regarde le trou. Je ne sais pas qui a fait ce trou, dit-il. À l'école, Carlo écrit une histoire. Le trou. Hier soir, la lune est tombée du ciel. Elle est tombée dans notre cour. Elle a fait un gros trou. Carlo. L'enseignante aime l'histoire de Carlo. Elle l'affiche sur le mur. Le lendemain, le trou est plus gros. Carlo montre encore le trou à son papa. Son papa regarde encore le trou. « Je ne sais pas qui a fait ce trou, » dit-il. À l'école, Carlo écrit une autre histoire. Le trou. Hier soir, des géants se sont assis dans notre cour. Ils ont fait un pique-nique. Ils ont fait un très gros trou. L'enseignante aime cette nouvelle histoire. Elle l'affiche sur le mur. Le lendemain, une femme vient voir le trou. Elle a un ordinateur et une caméra. « Regarde, » dit-elle, « des lapins ont creusé ce gros trou. » À l'école, Carlo écrit une autre histoire. L'enseignante affiche encore l'histoire de Carlo sur le mur. Le trou. Une femme est venue chez nous. Elle avait un ordinateur. Elle a placé une caméra sous la terre. J'ai vu des lapins à l'écran de l'ordinateur. Carlo. Les enfants lisent les histoires de Carlo. Oh, disent-ils, Carlo écrit de bonnes histoires.